toujours sage, je suis volage, mais j'en crève. Moi qui demeure sur cette terre solitaire, eh bien j'en meurs. Moi qui ne rêve que d'amour tendre à trop attendre, eh bien j'en crève. Dans ma demeure, nul ne chantonne, cela étonne, mais c'est l'automne, et moi j'en meurs. Oui, moi je voudrais une femme et des enfants, une femme et des enfants à moi. Oui, moi je voudrais avoir une femme et des enfants, une femme et des enfants bien à moi. Moi qui ne pense qu'à vous chérir pour un sourire en récompense, moi qui m'apprête à me damner pour un baiser à la sauvette, moi qui ne pense qu'à vous garder sans regarder à la dépense. Je m'y apprête, c'est plus que vrai, le cœur en fête. Même sans prêtre, je vous suivrai. Oui, puisque j'aurai une femme et des enfants, une femme et des enfants à moi. Je me condamne aux amours brèves.